Pas de politique, mais de la zik, mec. T'entends ce sifflotement, c'est moi quand je marche seul en me demandant comment changer les choses. Je veux la jeunesse derrière moi quand je braille. Depuis le début, on fait les choses, nous. Je te passe les détails. Les mecs ont besoin de repères, se sentent trahis quand les MC se perdent. Faut arrêter de se leurrer. Les mecs écoutent ce texte, un mélange de malaise, de nos rues, de notre musique et de nos vies. Le combat continue, je reviens 3 piges plus tard. Quel changement, les petits me demandent, Bacardi. Donne-nous du bon sens dans ce bordel. La pression est là, le rap une identité pour beaucoup. Je l'ai ressenti pendant mon petit tour du monde. Ils veulent danser, chanter, se balancer, réfléchir, car ce qu'on dit bien les motive. La musique est triste et les paroles lourdes de sens. Le titre c'est prise de conscience. Reçoit une humeur triste dans les halls. Les mecs brûlent la vie et s'enfoncent dans le blizzard. Ils ont pris le choix des armes que Dieu seul juge. J'assiste à ce déclin. Tout ce qui me reste, c'est un micro et j'attends le déclic. Je ne suis pas ce rappeur de plus qui dira j'emmerde l'État. 1 000 l'ont fait et aujourd'hui je constate que les choses ont pire. Là où personne n'écoute et faut viser quand on tire. Notre révolte, c'est pas brûler la ville. On a besoin de soldats, faut qu'on reste massif. Unis entre nous, obligés. L'ennemi attaque quand il sent une faiblesse. Mon QG, c'est mon cerveau et ma parole pour vous servir. Je prends le micro et dis à mon monde de penser à nos mômes, à nos mères, au combat de nos pères face au système. Prise de conscience et saldem qui prétend faire du rap sans prendre position. S'arrêter demain, mais je m'en voudrais si avec les opportunités qu'on a aujourd'hui, y a rien de concret. Certains d'entre nous ont des gosses, d'autres se marient. On est à l'heure du changement. On veut fonder des familles et réunir des villes, donner la force à nos pays. En Afrique, laisser des biens à nos mômes, faire vivre notre musique. C'est ça la mélodie, elle parle seule, réchauffe les cœurs et donne envie de créer. On a bâti nos vies dans le rêve et on se bat encore. Qu'à nos réveils, il n'y ait plus de cauchemar.